C'est de l'argent mal placé que d'acheter une corne de rhinocéros. On n'aime que les chiens, alors on s'appelle pas nos noms de chiens. Les morsures d'hippopotame peuvent infliger des blessures profondes. On n'a jamais rencontré de lion du côté de la Porte Dorée. Elle a un corps énorme, des pattes un peu courtes, des yeux minuscules. Sa taille ne dépasse pas celle d'un gros cochon. Les darwinistes. Présenté par Modeste Girardin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers auditeurs. Nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir dans notre émission De Rerum Natura, le rendez-vous des darwinistes et l'émission préférée des amoureux de la bioéthique fondamentale et appliquée. Remercions à nouveau l'amicale des amis de Pline l'Ancien qui coproduit cette émission, encore une fois, avec toute la bienveillance et la chaleur humaine qui rendent cette institution si remarquable. Nous avons ce soir avec nous Valère de Kerle-Kennedec, zoopolitologue et professeur invité aux universités franc-comtoises. Suite au grand succès de sa somme parue au printemps dernier sur les dangers que représente l'augmentation des capucins pour l'industrie française, il a depuis cet été commencé de nouveaux travaux de recherche. Il a à nouveau ce soir aimablement accepté notre invitation et nous parle zoopolitique du moustique. Augmentation du génome des moustiques, reconstruction d'une chaîne alimentaire génétiquement guidée, c'est un véritable plan de guerre que nous présente aujourd'hui notre invité, que nous ne présentons plus. Bonsoir Valère, honoré de ta fidélité. Merci Modeste, merci de cette invitation. Pour en débattre avec nous ce soir, nous accueillons monsieur Alain Ternier. Vous êtes spécialiste des questions de financement et de rentabilité animale. Bonsoir monsieur. Également avec nous Jason Biboche, qui nous est tout droit venu des États-Unis. Vous êtes professeur en salmonologie à l'université du Madison, Michigan. Très content d'être avec vous ce soir. Merci. Merci à vous. Vous avez publié un remarquable ouvrage intitulé Rocketfish, un véritable coup de pied dans la fourmilière. Également avec nous ce soir, nous accueillons monsieur Anatole Plessis-Marotto. Par ailleurs, professeur de zootechnie à la Royal University of Portsmouth. Bonsoir, monsieur Plessis-Marotto. Merci beaucoup de votre invitation. Et enfin, monsieur Ange Figari. Ange Toussaint Figari. Excusez-moi, Ange Toussaint Figari, vous êtes myriapodologue à l'université de Malmö en Suède. Malmö, bonsoir, oui. Le débat, une régulation des moustiques génétiquement guidée. Alors, le moustique seul et sans alliés. S'il est un animal qui fait l'unanimité contre lui sur tous les continents, c'est bien le culicidé, le maringouin, de l'ordre des diptères, sous ordre des nématocères. Sa femelle, qui est dotée de longues pièces buccales en forme de trompe rigide de type piqueur-suceur, ne fait pas l'unanimité et fait donc l'unanimité contre elle, puisqu'elle pique, et que ses piqûres sont désagréables, d'une part, puisqu'irritantes, mais aussi qu'elles génèrent et sécrètent et viennent et emportent avec elles toutes sortes de maladies. Bien que le rôle du moustique dans les écosystèmes soit certain, il est avant tout un facteur d'épidémiologie humaine et c'est un animal qui est vecteur de zoonoses en tout genre. Il est présent partout dans le monde, excepté en Islande, dans certains coins de Sibérie, et donc ses piqûres ont valeur, et vous l'aurez compris, c'est un peu le sujet de ma chronique, ont valeur universelle. Cette universalité du moustique est aussi ce qui pose problème. Car si les piqûres sont parfois indolores, elles peuvent aussi provoquer des puprites qui sont très désagréables et provoquer aussi des maladies beaucoup plus graves comme Ebola, la fièvre jaune, noire, orange et scrofuleuse. Les moustiques sont en fait les plus grands tueurs de cette planète, les plus grands tueurs d'humains en tout cas. Ils ont un score incomparablement plus haut et plus élevé que les requins, que les lions, les zèbres, les tigres. Ce sont les plus grands tueurs. Alors, y a-t-il une race qui en fait autant? On l'a dit, c'est non. Y a-t-il une race que l'on déteste autant? Je ne crois pas. Le loup du Moyen-Âge était au moins plus aimé. On pense à la figure attachante d'Isengrin, l'oncle du goupil renard, qui est toujours le dindon de la farce. Et donc, la grande question, faut-il exterminer les moustiques? Faut-il s'en débarrasser pour toujours? C'est une question qui peut être posée, mais dont la réponse semble négative. Il est impossible de faire une telle chose. En revanche, on peut tout à fait leur inventer des super prédateurs. C'est ce que nous avons proposé avec mes amis de l'université Ramsès IV du Caire, et mes amis, qui bien sûr, nous travaillons toujours la main dans la main sur ces questions-là, et avec mes amis chinois de l'université de Kunming. Alors, nous avons tout simplement inséré et intégré au génome du moustique, il y a des moustiques familiers, le génome Sigma B2-17, qui le rend beaucoup plus gros, beaucoup plus massif, et beaucoup plus agressif, et qui a une tendance à le rendre surtout dangereux pour ses congénères, puisqu'il les attaque. Il les attaque et en fait leur dévore les ailes, et les rend ainsi totalement inoffensifs, à moins qu'on marche dessus évidemment, mais ce serait vraiment pas de chance. Alors, le problème c'est que le Sigma B2-17, il est assez connu chez les généticiens pour être aussi facteur, on va dire, de fécondité. Donc, nous allons chasser des moustiques pour en mettre d'autres à la place. C'est un problème. Sauf que nous proposons d'intégrer dans cette nouvelle chaîne alimentaire, finalement, un moineau que nous augmenterions, et en fait, nous l'augmenterions de façon à ce qu'il ait plus de pelage, donc qu'il soit plus universel. Nous en créons en fait trois sortes. Pour les trois tropiques, un moineau équatorial, plumage plutôt léger, et puis deux sortes, hein, pour l'hémisphère nord et pour l'hémisphère sud, ces moineaux étant plutôt génétiquement programmés pour pouvoir chasser nos moustiques augmentés. Et ainsi donc, la boucle serait bouclée, nous les disséminerions partout, et avec cette technique, nous nous viendrons à bout de la créature que nous avons créée pour nous débarrasser du problème de moustiques. Ce n'est pas très... ça semble complexe comme ça, mais c'est une solution tout à fait, qui est tout à fait possible de mettre en œuvre, avec 5 ou 6 laboratoires français qui travaillent un an là-dessus, ou européens, nous pouvons appeler nos amis allemands, l'université de Francfort, l'université de Milan n'est pas la moins avancée sur cette question. Et Sylvie... Si vous regardez les travaux de Sylvie Garini-Lipadi... On peut tout à fait considérer que c'est quelqu'un de sérieux qui pourrait diriger partie... Je trouve que c'est pas dépassé, elle pourrait diriger une partie des recherches, quand bien le pro-Goupil a été particulièrement dur avec elle lors de sa soutenance de HDR, mais ça ne doit pas l'empêcher de diriger des recherches. Et donc, avec cette technique, nous pourrions débarrasser la Terre de moustiques. Nous sommes encore à l'élaboration du plan, pour ne laisser aucune faille génétique, évidemment... Et c'est une technique que nous allons bien sûr soumettre à une délégation intergouvernementale qui a été rassemblée autour du préfet Vanner, qui est un ami. Et ce préfet propose de nous aider, le préfet Vanner, de nous aider sur cette question et de rassembler, on va dire, la force politique nécessaire pour porter ce dossier à l'ONU et le faire financer par le fonds de développement, et débarrasser enfin la Terre des moustiques. Voilà, c'était ce dont je voulais vous parler. Les recherches sont assez avancées, mais elles sont loin d'être terminées. On pourra difficilement les mettre en œuvre avant 2 ou 3 ans. C'est toutefois du moyen terme qui est tout à fait envisageable. Je suis très heureux d'ailleurs d'en débattre ce soir avec vous, entre scientifiques plus ou moins émérites, plus ou moins reconnus. Et je vous propose donc de réagir à cette idée, vous qui avez une vision assez extérieure. Monsieur Plessis-Marteau, nous vous écoutons. Oui, alors j'ai écouté avec beaucoup d'attention la chronique de mon éminent confrère, qui ne doit plus faire ses preuves en matière de génétique appliquée. Tout à fait, merci. Cependant, j'étais assez, je vous avoue, stupéfait par l'audace, et je dirais même la témérité de vos assertions. Alors, monsieur Lecaire de Kennedec nous propose, pour lutter contre des moustiques qui sont somme toute assez abordables, de constituer des surmoustiques qui font office de mine antipersonnelle, puisqu'il ne s'agira de plus de marcher dessus, et il veut ensuite constituer des moineaux hyper armés, qui feront office de Messerschmitt, et qu'il faudra abattre en fusil mitrailleur. C'est très ambitieux. La merde. Mais oui, mais je suis assez d'accord, je ne comprends pas. Vous allez nous produire une batterie de super prédateurs absolument terrifiants. Mais... Et en fait, si vous voulez, les moineaux vont tout à fait s'intégrer, eux, ce qui n'est pas le cas du super moustique. Le super moineau, le moineau augmenté, comme on aime à les appeler de manière plus scientifique, lui, il s'intègre parfaitement dans l'écosystème, un peu comme un vrai moineau. Parce que s'il fait le poids contre un moustique de bonne taille, en revanche contre un aigle ou une buse géante, alors là, c'est cuit, ce serait la fin des haricots. J'aimerais réagir. J'ai eu une discussion avec mon ami Jean-Louis Jolitrot, qui est titulaire de la chaire de zoogénétique à l'Université de Lausanne. Oui, Jean-Louis Jolitrot, voilà. Bien sûr. Et donc, il a travaillé sur le gène... Ah, je suis désolé, Jean-Louis Jolitrot, je ne peux pas... Non. Jean-Louis Jolitrot, non, ça fait 5 ans qu'il n'a pas vu le terrain. Ça fait bien longtemps. Non, Jean-Louis Jolitrot, il n'est pas compétent. Il a publié dans Sciences et les Juniors récemment, c'était pas mal. Pour voir des moineaux, pour voir des moustiques. Jean-Louis travaille actuellement sur ce gène Sigma B2-17, celui dont vous parlez. Oui, le gène d'augmentation du moustique pour faire des super moustiques, oui. Laissez parler, monsieur Ange Figari, s'il vous plaît. Non, mais moi, écoutez, ce gène coûte cher, honnêtement. Non, mais gène trop, c'est n'importe quoi. On n'a pas la technologie, c'est tout. Espèces, d'accord, augmenter les singes, vous n'avez peut-être pas la technologie dans vos universités de Barents, mais aux universités franc-comtoises, nous maîtrisons ce gène, en laboratoire du moins. Vous maîtrisez, mais vous le payez combien? Il coûte cher, mais... Oui, et combien coûte Ebola? Combien coûte la misère? Combien coûte la fièvre jaune, orange, noire? Mais la fièvre scorpion. Non, un peu le débat, mais quand nos enfants poseront le pied sur leur pied tendre sur votre super moustique, combien d'enfants allez-vous sacrifier? Oui, ce ne sont pas les moustiques. Mais combien d'épargnants aussi, Les super moustiques ne vont pas se retrouver sur le sol. Ce sera simplement les moustiques qui auront leurs ailes arrachées par les super moustiques qui feront. Et quand vos enfants auront les pieds piqués parce qu'ils ont marché sur un moustique? Mais les enfants devront apprendre à marcher comme nous avons appris à faire du vélo. Alors vous leur laisserez des ailes à eux pour qu'ils volent et qu'ils marchent sur des moustiques? Ça ne me semble pas compliqué, un simple stage de contrôle des pieds devrait suffire. J'aimerais que S'il vous plaît, je voulais juste, monsieur le cœur de Calédèque, je vois que vous faites le chantre de la super prédation, et j'aimerais vous dire savoir, super prédation, certes oui, mais quelle prestation, comment, et quelle subvention? Quel argent comptez-vous financer super moineaux? Il me semble en avoir parlé, mentionné plus exactement. Pas vraiment. Je compte faire financer ça. Non, vous avez parlé de la Banque mondiale, effectivement. Exactement, par la Banque mondiale. Mais la Banque mondiale ne donne pas des prêts comme ça. J'ai des amis là-bas. Je pense qu'on pourrait tout à fait faire passer le dossier pourvu qu'il soit bien monté. Donc au fond, c'est le contribuable qui va payer vos super moustiques. Écoutez, le préfet Bujol Buchet, qui est un ami et qui travaille en ce moment même sur les questions de zoologie à l'UNESCO, m'a dit que c'était tout à fait possible. Donc si Bujol Buchet le dit, moi je veux bien le croire, c'est simple. Oui, mais Bujol Buchet, vous êtes copain comme cochon avec lui aussi. Oui, c'est vrai. Mais oui, mais du coup, c'est pas fiable. Bujol Buchet est quelqu'un de sérieux. Ce n'est pas un scientifique, c'est un fonctionnaire sérieux. Mais y a-t-il eu une expertise indépendante sur votre projet? Monsieur Ange Toussaint-Figari, quel est votre avis sur la question? Essayons d'avoir un propos clair et structuré, s'il vous plaît. Mon avis, je me permettrai de le dire, c'est que monsieur Decker de Quédélec... Excusez-moi si j'écorche votre nom, mais le Kennedy. Vous l'écorchez, s'il vous plaît. On le sait que vous faites partie du conseil d'administration de RAID, le produit anti-moustique. On le sait. Donc votre technique. Pas du tout. J'ai été invité lors d'une conférence cet été, c'est vrai. J'aurais parlé de l'avancée de mes recherches. Vous faites des ménages avec les plus grands. Ils ont dit qu'ils étaient prêts à financer une partie. Moi, l'argent, je ne parle qu'au nom de Vespasien. L'argent n'a pas d'odeur. Il a une saveur et il faut bien que quelqu'un le sorte là. Personne ne va manger des moustiques. Écoutez, monsieur Jason Biboche. Merci de me donner la parole. Mon français est vraiment nul, débile, mais je serais très content d'accueillir mon collègue aux États-Unis. Si vous parlez le contribuable, les entreprises privées américaines seront très heureuses de développer. C'est vraiment super moustique. Je pense qu'on va passer à qui? Vous pensez à Microsoft? Monsieur Ternier, monsieur Biboche et monsieur de Carl Kennedec. Une opposition frontale de la part de monsieur Plessis Marotto et de monsieur Ange Toussaint Figari. Je conçois que l'université de Madison ait des fonds. J'aimerais bien savoir la nature des entreprises. Est-ce que c'est Microsoft? Est-ce que c'est Google? On ne parle plutôt de Monsanto. Voilà. Monsanto, c'est déjà des gens plus sérieux. Monsanto, on peut dire ce qu'on veut. Aux États-Unis, nous encourageons les expériences qui. Et voilà, c'est ça le problème, c'est la mentalité française là qui va nous bloquer. Et je suis très fier de mon pays, mais enfin, en matière de recherche, on manque de témérité. Les Américains n'ont pas hésité. S'il a fallu tuer 30 millions de lapins en Australie, ils l'ont fait, ils n'ont pas hésité. En tout cas, je suis solidaire de votre démarche, monsieur le Caire de Canada. Je parle du dollar. Si vous parlez dollar américain ou australien, nous entendons. Est-il vraiment un dollar australien? Le dollar est une monnaie fiable. Bien sûr que si. Vous ne connaissez rien. L'autre jour, vous avez parlé de rhinocéros qu'il n'y avait pas au Kenya alors qu'il y en a. On n'a pas vu écoutez, rhinocéros. Pour un zoologue, je vous trouve très peu géographe. Au-delà des grands lacs, depuis Hérodote, en fait, et il n'y en a plus maintenant au-delà de la frontière entre la Tanzanie et le pays qui est en dessous. Donc, Votre cours sur le rhinocéros est tout à fait passionnant, mais je me demande quel est bien le rapport entre un moustique et un rhinocéros. Ce ne sont pas les mêmes bêtes. Si nous pensions des super, super moustiques, peut-être qu'ils pourraient. Oui, alors il faudrait beaucoup les augmenter, peut-être les mélanger avec des migales. Mais vous voulez faire quoi exactement? On ne comprend plus. Vous voulez... nous pouvons les transformer en armes. Dans le cadre de mes études, j'ai été invité au Pentagone. Et ils ont développé... Tout à fait. D'ailleurs, j'ai envoyé ce matin un email aux forces, au bureau principal et général de l'OTAN, qui m'a semblé... Enfin, j'avais rencontré le général Bullard, qui m'avait dit qu'éventuellement, dans le cadre d'une coopération européenne et américaine... Bullard, vous parlez d'Étienne Bullard ? Étienne Bullard, oui, le jeune polytechnicien, là, vous savez. Ah, mais il y en a deux, alors il a un homonyme, un prestigieux. C'est le fils de Lucien Bullard, c'est ça ? Ah non, ce n'est pas le fils de Lucien Bullard. Non, c'est le fils de Christine Bullard. Oui, c'est le neveu de Frédéric. Parce que nous avons Michael Bullard. Oui, là, c'est une autre bande. Le neveu de Frédéric Bullard. Non, mais Michael Bullard, ça n'a rien à voir, enfin, ou alors... Mais Bullard est venu sans jour, puisqu'il s'est marié avec une blondaise. Général de l'armée américaine. Oui, mais c'est pas le même. C'est le mari qui prend le nom, il me semble. Oui, exactement. Nous prendrons un verre. Voilà, oui, parfois, mais essentiellement, parfois, quand l'OTAN est prêt à acheter ça. Messieurs, mais attendez, excusez-moi, l'OTAN est prêt à acheter vos moineaux, vos moustiques, et quoi exactement? Toute la chaîne alimentaire que je propose, c'est la chaîne alimentaire synthétique, elle trouvera acquéreur, j'en suis certain. Très bien, très bien. Messieurs, est-ce que nous pouvons donner la parole à chacun de ses invités pour un mot de conclusion chacun, sans interruption? Monsieur Plessis Marotto, nous vous écoutons. Oui, alors moi, j'ai beaucoup de respect pour la science de mon ami Valère Le Kennedec. Cependant, je suis obligé parfois de le rappeler à l'ordre sur certains points fondamentaux. On n'augmente pas des moustiques, non. Il ne parlait vraiment pas, il parlait d'augmenter des moineaux. Il parlait d'augmenter des moineaux, mais d'augmenter des moustiques. Il a vraiment été question d'augmenter les moustiques. Il a été question d'augmenter des moustiques. Et les moustiques et les moineaux. Je pense qu'il est interdit d'augmenter des moustiques et qu'il est... Diminuer les moustiques, effectivement, et augmenter les moineaux. Je pense que la Banque mondiale concéderait un prêt si vous ne semblez pas avoir compris bien mon propos. Hein. Je pense que l'augmentation du moustique est criminelle. A très clairement parlé d'augmentation de moustiques qui elle-même serait régulée par une augmentation de moineaux. Le propos est, comme il le dit, au final, se résume à un point assez simple. Moi, je voudrais réagir là-dessus, c'est très clair, ma position est très claire. L'augmentation du moustique est criminelle, l'augmentation du moineau est inutile. Très bien. Monsieur Jason Bibosch. Et merci. Je voulais inviter mon collègue de Carl Kennedec venir aux États-Unis, développer ces idées novatrices. Nous aurons le budget pour those super moustiques et nous ferons une joie de les développer. Eh bien, ça me va droit au cœur et j'y songerai très très sérieusement. Droit au cœur et droit au portefeuille. Monsieur Alain Ternier. Je pense avoir déjà réagi. Vous avez l'air d'avoir été convaincu par les solutions de financement. Pas vraiment, non. Alors dès qu'il est question d'universités américaines de fonds de type ultra-atlantique, oui, là, je pense que oui, mais je pense pas que monsieur le Kennedec puisse faire financer ces augmentations, ces diminutions, je ne sais pas bien, par l'Union européenne ou par même des pays comme la France, l'Allemagne, la Belgique, je ne pense pas, non. Monsieur Figari, votre avis sur la question, l'avis final? Écoutez, je me contenterai d'une citation d'Abraham Lincoln qui est « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Voilà. Je pense que ça suffit. Mais c'est vrai qu'Abraham Lincoln avait des aphorismes un peu faciles. Oui. Mais Abraham Lincoln était très limité en matière de zoologie. Hein. Il n'avait guère été au-delà de Cuvier. Hein. Il a déjà combattu les ours. Très bien, messieurs. Oui, mettons fin à ce débat particulièrement houleux ce soir, qu'on se le dise. Merci à tous d'être venus ce soir discuter de... Merci à vous, c'était très intéressant. Merci aussi. On a appris beaucoup sur Valère, surtout, on vous a bien reconnu. On vous reconnaît bien dans ces problématiques aériennes, disons. C'était Les Darwinistes, une émission présentée par Modeste Girardin, à la technique Kevin de Souza, à la réalisation Joachim Planchard.